الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام العلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي رحمة الله عليه سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعض. قلنا أن هذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد ألفه وكتبه العلامة تقي الدين المقريزي والمقريزي قيل نسبة إلى حي كان يسكن فيه مصنف الكتاب ومؤلف الكتاب المقارزة فسمي ونسب إلى هذا الحي فسمي تقي الدين أحمد بن علي المقريزي رحمة الله عليه. قيل في شرح هذا الكتاب وهو في علم التوحيد بأن التوحيد هو معناه إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه هو أول الإسلام وأول الدين فأول ما يدخل الإنسان في الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم بعد ذلك يقوم بأوامر الدين وأنواعها ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم أول ما يبدأون به دعوة الناس إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون في سورة الأنبياء وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما ذكر الله ذلك عن نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وكل نبي أول ما يبدأ بدعوة التوحيد فلا يبدأ بشيء قبلها. Donc on va continuer, inshallah, sur l'explication du livre nommé que l'auteur a lui-même nommé Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Donc on a commencé l'étude d'un nouveau livre concernant cette science et ce domaine immense qu'est le domaine de l'unicité, l'apprentissage de l'unicité. Et donc, pour apprendre ce domaine, qu'on appelle le domaine de l'unicité, il faut étudier certains épîtres, certains livres qu'ont rédigé de grands éminents savants pour nous faciliter la compréhension de ce domaine qui est l'unicité, at-tawhid. Wa illa, sinon, la personne qui veut un livre et que tout le livre min awwalihi ila akhirihi wa at-tawhid kitabullah, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut un livre qui est entièrement du début à la fin, tout le livre traite l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le livre d'Allah, le Coran. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous rappelle qu'il est le créateur de toutes choses. Il nous rappelle subhanahu wa ta'ala qu'il a donné existence à l'homme, à toutes les créatures, à cet univers, qu'il est le maître ultime et absolu de cet univers. Allah est le souverain. Malik Yawmiddin. Donc Allah Azza wa Jal dans le Coran nous rappelle qu'il est le Seigneur seul et unique et qu'il est le maître de l'univers. Donc il nous rappelle sa seigneurie. Et ça, ou plutôt en cela, il y a allusion au Tawhid al-Rububiyya, à l'unicité de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ensuite Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous rappelle qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il nous a créés, il a créé tous les êtres vivants, il est le maître de cet univers, croire en cela, c'est croire en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu rabbal alamin, c'est croire qu'il est le seigneur de l'univers. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous rappelle qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il nous a donné existence alors que nous étions néants? Pourquoi? Pour nous appeler à une chose, à son adoration. Et là, cela nous mène à Tawhid al-Uboudiyya, ou Tawhid al-Ilahiyya, al-Uluhiyya, pour nous appeler à son adoration. Had al-Kitab, Kitab Tajrid al-Mufid, tout le livre va traiter de cette question. Il est dédié à la question concernant l'adoration, l'unicité de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un domaine très important. Pour cela, Allah Azza wa Jal, il a envoyé les prophètes et les messagers pour appeler les peuples et les hommes à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la base, Quraysh, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il croyait en une grande partie des particularités de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, les concernant, « وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ Allah. » À l'époque, les Quraysh, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit, « Si tu les interroges, qui est-ce qui les a créés ? Ils te diront, c'est Allah. » Ou plutôt, si tu les interroges, qui est-ce qui a créé les cieux et la terre? Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard? Qui est-ce qui a créé les cieux et la terre? Ils te diront, c'est Allah. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que le peuple du prophète, vers qui le prophète ensemble avait été envoyé, eux savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur des cieux et de la terre et de toutes choses. Par contre, cette croyance en une partie de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait d'eux des croyants, puisqu'ils n'ont pas accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence le fait de dire « La ilaha illallah ». Donc eux, leur divergence avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas sur le fait qu'Allah est le créateur de toutes choses, puisque eux-mêmes, Quraysh, le peuple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a même une sourate dans le Coran qui se nomme la sourate Quraysh. Donc ça, c'était le nom du clan du prophète et ceux qui régnaient sur la Mecque à l'époque où naquit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, on avait dit dans d'autres assises qu'avant le règne, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui régnaient sur la Mecque, c'était le peuple ou la tribu de Quraysh, et avant eux, on avait dit, c'était la tribu de Khouza'a. Et avant Khouza'a, c'était la tribu de Jurhum. Jurhum, ceux qui ont adopté Ismaïl alayhi as-salam. Et donc, les Arabes qui habitaient et qui peuplaient la Terre Sainte, la Mecque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tribu de Quraysh, dont le prophète faisait partie, et le prophète était un min bani Hashim, c'était un clan parmi la tribu de Quraysh. Eux s'affiliaient et s'apparentaient à la religion de Ibrahim alayhi salam. Pour eux, ils s'apparentaient à la religion du prophète qu'on nomme le père des prophètes Abul Anbiya, le père des prophètes Ibrahim alayhi salam. Et wa min bab al fa'ida, et une fa'ida. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il parle beaucoup de Al-Hanifiyya, Millatu Ibrahim, la voix de Ibrahim qui est nommée Al-Hanifiyya. Pourquoi Allah souvent rappelle la voix et la religion de Ibrahim alayhi salam, wa annahu kana umma, imam Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Parce que justement les Arabes à l'époque s'apparentaient à la religion d'Ibrahim alayhi salam. Wa Quraysh kanat da'i bi annahum muttabi'in li dini Ibrahim alayhi salam. Fa لذلك انتسبوا الى دين وملة ابراهيم عليه السلام. Eux ils s'apparentaient, ils se disaient sur la voie de Ibrahim alayhi salam. Et donc pour eux l'adoration des idoles, ça ibadat al-asnam wal awthan, لان قريش كانوا عابدين لاوثان واصنام. C'était des idolâtres Quraysh, le peuple du prophète vers qui le prophète avait été envoyé et naquit. Au départ, sinon le prophète a été envoyé pour toute l'humanité. Mais le prophète naquit au sein de cette tribu qui était Quraysh. Eux, pour eux, qui étaient des idolâtres, adorateurs d'idoles, vous avez vu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite est revenu à la Mecque, il y avait 360 divinités, idoles. Donc, ils adoraient des idoles. Comme Hubal, la première idole qui avait été mise à la Mecque, Hubal, à l'époque de cet homme qui se nommait Luhay, Amr ibn Luhay. Nous en rappelons, on a déjà parlé de cet homme, Amr ibn Luhay. C'est le premier, à l'époque, à avoir rapporté cela, les idoles. À l'époque, à la Mecque, il n'y avait pas d'idoles. À un moment donné, il y a eu l'apparition de l'adoration des fausses divinités et des idoles. À quel moment? Et ça, c'est une grande question. Puisque les Arabes, à l'époque, dans la péninsule arabique, et ça, c'est très important, celui qui veut comprendre le message du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il doit lire Kutub al-Tarikh, les livres d'histoire concernant Ayyam al-Jahiliya, l'époque qu'on appelle pré-islamique. Zaman al-Jahiliya. Le temps pré-islamique, on l'appelle souvent de l'ignorance. La grande ignorance. Zaman al-Jahiliya. Pourquoi? Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vint à une époque qui s'est nommée Zaman al-Jahiliya. Et le prophète vint à cette époque. Et donc, les gens, à cette époque, avaient des coutumes, avaient des pratiques. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut envoyé par son créateur, le prophète a aboli certaines pratiques. Et le prophète a interdit certaines pratiques du temps de Al-Jahiliya, de son époque, que pratiquaient les polythéistes de ce temps. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi, il y a des choses qu'il n'a pas abolies, qu'il n'a pas interdites, mais qu'il a approuvées à l'époque, comme certaines moralités et mœurs qu'avaient les Arabes. Le fait que c'était des gens qui étaient véridiques. Ils avaient ce côté-là, cet amour de l'hospitalité. C'était des gens qui étaient de confiance, qui disaient la vérité. Regardez, certains antagonistes du prophète à l'époque, lorsqu'ils étaient interrogés sur le prophète, ils ne mentissaient pas. Ils disaient que c'est une personne qui était connue pour sa véracité, pour ne pas dire le mensonge, le prophète. Wal-Amin, Sadiq al-Masduq. Le prophète était connu à l'époque, avant qu'il soit prophète, pour être une personne véridique, qui ne dit que la vérité. Il était le digne de confiance. Et même ses antagonistes, à l'époque, n'ont pas nié cela plus tard. Pourquoi? Parce que les Arabes, à l'époque, c'était des moralités très importantes pour eux. L'aspect familial, la protection familiale, le fait de dire la vérité, l'hospitalité, accueillir les autres, le fait de gérer, à l'époque, la Mecque, de prendre soin des pèlerins, malgré leur coutume à eux, leur manière de faire le pèlerinage. Donc ils avaient des qualités. Il y a certaines choses que le prophète Sam n'a pas abolies et n'a pas interdites. Mais certaines pratiques ont été abolies et interdites. Le musulman, lui, pour comprendre le message du prophète Sam, yata'ayyan alayhi, la bouddha an yaqra fi hadhi al-kutub, kutub al-tarikh. Et très peu lisent justement ces livres-là et s'instruisent concernant quelle était cette époque? L'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Zaman al-Arab, fi waqt al-Jahiliyyah, à cette époque-là. Quelle était leur manière de vivre? Quelle était leur pratique? Quelle était la situation économique de l'époque? La situation politique de l'époque? La situation religieuse de l'époque? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous maîtrisez cet aspect-là, donc vous allez comprendre le message du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, d'une manière générale, peuvent comprendre le message du messager d'Allah. Mais plus on va s'approfondir dans ces questions-là et à lire « Fi tarikh zaman al-jahiliya », mieux on va comprendre le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le message de l'islam. Et donc ça, cette histoire-là, pour avoir les détails, vous pouvez retrouver ça « Fi kutub al-tafasir ». Beaucoup de savants ont expliqué cela, expliciter cela dans leur exégèse et l'interprétation, dans les livres d'interprétation du Coran. Et pour ceux qui veulent revenir à l'un des plus grands livres qui a été écrit, Fit Tafsir, et l'auteur lui-même se nomme Sheikh Shuyukh Al-Mufassirin, le grand Sheikh enseignant maître d'Al-Mufassirin, Wali Imam Ibn Jarir Al-Tabari. Un très grand et immense, une immense œuvre, interprétation du Coran. Et dedans, il va détailler, par exemple, Imam Ibn Jarir al-Tabari, dans son tafsir, il va détailler dans certains versets, il va détailler cette époque de l'Jahiliyyah. Comme vous pouvez retrouver aussi dans d'autres kutub al-tafasir, ka kitab Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, vous allez voir dans l'interprétation et l'explication de certains versets, il va parler de l'époque des Arabes et décrire Zaman al-Arab, avec leurs pratiques, al-taqalid, wa al-khurafat allati intasharat fi hadha al-zaman. Et ça, c'est très important. Ça, c'est fi kutub al-tafasir. Ensuite, il y a d'autres livres, des auteurs, des grands savants, qui ont écrit des écrits sur l'histoire même de l'époque pré-islamique, Zaman al-Jahiliyyah. Il y a de nombreux savants qui ont écrit, qui ont dédié des livres. Ce sont des livres qui nous parlent de l'époque de l'Jahiliyyah. Et ça, pour la culture personnelle et pour la compréhension personnelle, et pour comprendre at-tawhid, le message des prophètes et des messagers, min awwalihim, du premier messager, selon l'avis d'une grande majorité de savants, qui est Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam. Vous savez, les savants, comme il relate cela du grand compagnon spécialiste de l'interprétation du Coran, qui a eu du'a, une invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah ibn Abbas. Abdallah ibn Abbas, c'était un jeune compagnon. Et c'était le cousin paternel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était le jeune cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était le fils de l'un de ses oncles, Al-Abbas. Et les mérites de son oncle Al-Abbas, Ibn Abd al-Muttalib, c'est qu'Al-Abbas fait partie des compagnons, ou plutôt Naam qui était compagnon, de ses oncles qui se sont convertis et ont embrassé l'islam, qui ont cru en leur neveu, comme Hamza, par exemple. Mais ce n'est pas tous les oncles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en leur neveu, comme Abu Lahab. Abu Lahab était antagoniste de son neveu. Et d'ailleurs, il y a une sourate dédiée à cela. La sourate qu'on appelle d'Abi Lahab. Et donc, Al-Abbas, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu des enfants. Parmi eux, il y a eu Fadl ibn Abbas. Il y a eu Abdallah ibn Abbas. Et Abdallah ibn Abbas fait partie de la génération des jeunes compagnons, mais des grands érudits. Un jour, le prophète a invoqué pour lui, en sa faveur, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il lui accorde l'interprétation et la compréhension du livre, du kitab. Allahumma faqihu fid din ou alimhu at-ta'wil. Le prophète avait dit alimhu at-ta'wil wa at-ta'wil wa tafsir al-Qur'an. Le prophète avait invoqué Allah Azza wa Jal, demandé pour l'Abbas, pour Abdallah ibn Abbas, qu'Allah lui octroie la compréhension du Coran. Et donc, il est devenu l'une des grandes références. Jusqu'à ce qu'à l'époque, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, le grand compagnon Omar, connu pour son savoir, pour son ilm, le deuxième calife de l'islam, qu'est-ce que ça veut dire? Al-Khalifatu Thani. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le deuxième meilleur de la nation aussi. Al-Khulafa, Al-Mahdiyoun, Al-Rashidoun, les quatre califes de l'islam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ce sont les quatre meilleurs compagnons. Bil-Ijma'a. Bil-Ijma'a et Ahl Sunnati wal-Jama'a. Que le meilleur de cette nation, le meilleur des hommes, le meilleur des musulmans, c'est Abu Bakr as-Siddiq. C'est le meilleur compagnon et c'est le meilleur des hommes. Parmi les compagnons et parmi cette nation. Après lui, le deuxième calife. Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an, thumma Uthman, thumma Ali. Fi Abu Bakr, ou fi Abi Bakr, wa Omar ijma'a. Concernant que Abu Bakr et Omar sont les deux meilleurs, le premier Abu Bakr, ensuite Omar, ça il y a un consensus, unanimité chez les grands savants sunnites. Inda ahl sunnati wal jama'a, il y a consensus. Et chez les savants, le consensus est considéré comme hujja, comme une preuve et un argument. Pourquoi? Parce que dalil min al kitab wa sunna wal ijma'a. Du fait que le prophète dans un hadith dit La tajtami' ummati ala dalala. Ma communauté se ne réunira jamais sur un dalal, sur un égarement. Wa ajma' al ulama min ulama'i ahl sunnati wal jama'a anna afdal hadhihi al umma Abu Bakr radiyallahu ta'ala an. Thumma Uthman kama qila fi thumma Umar kama qila fi al bayt hubbu sahabati kullihim li madhhabun ومودة القربى بها أتوصلوا ولكلهم فضل وسطع قاطر لكنما الصديق منهم الأفضل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصلوا ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنما الصديق منهم الأفضل. Donc il y a un consensus sur Abu Bakr et Omar. واختلف العلماء في عثمان وعلي من العلماء من قدم علي على عثمان ومنهم من قدم عثمان على علي والصحيح والرجيح عند العلماء أن عثمان مقدم ثم علي إذن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي radiallahu ta'ala anhum ajma'in, et qu'Allah accorde le bien et la qu'il agrée et soit satisfait de tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le meilleur d'entre eux était Abu Bakr, et de ce fait pourquoi on a cité cela, c'est que Omar, le deuxième calife de l'islam, prenait justement l'interprétation et le savoir, il considérait le savoir de Abdallah ibn Abbas. Et souvent dans des versets, pour l'explication et la compréhension des versets, il revenait à l'avis de Abdallah ibn Abbas, qui faisait partie des quatre Abadila, comme on a cité dans d'autres cours. Al-Abadila al-Arba'a. Abdallah ibn Omar, Abdallah ibn Abbas, Abdallah ibn Amr ibn al-As et Abdallah ibn Zubayr. Les quatre jeunes compagnons qui étaient des ulama. Plus tard, ils furent une référence chez As-Sahaba. Et donc, de ce fait, on revient à notre sujet, il est important pour comprendre le message du prophète, sallam, de lire des livres qui nous expliquent, qui nous relatent l'histoire de l'époque des Arabes à l'époque pré-islamique. Et de savoir, toutes ces pratiques ont été abolies, que le prophète, sallam, ensuite, a interdites. Ces pratiques étaient propagées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que pratiquaient les Arabes de Zaman al-Jahiliya. At-Tawhid, donc l'unicité, ce domaine qu'on appelle l'unicité, c'est le fait de croire en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est bien pour ça que Allah Azza wa Jal, il a envoyé des prophètes et des messagers. Des prophètes et des messagers. Et juste avant, pourquoi on a cité Abdallah ibn Abbas? Parce que dans le tafsir, il est rapporté que Abdallah ibn Abbas disait que entre Adam, le père de l'humanité, Baina Adam wa Nuh alayhi salam, qu'il y avait 10 siècles, Asharata Qurun, qu'il y avait 10 siècles entre le père de l'humanité, Adam, qui est notre père, le père à tous, le père des hommes, et le premier messager qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé, Nuh alayhi salam. Avant, il y a eu un prophète, certains disent, Idris alayhi salam. Est-ce que Idris était avant Nuh ou après? Ça, c'est une autre question. Les savants, les spécialistes dans l'histoire des prophètes et des messagers ont traité. C'est une autre question. Mais les savants sont d'accord pour dire que Idris kana nabi, c'était un prophète. À savoir qu'il y a une différence entre un prophète et un messager. Un messager, on dit Rasoul, le pluriel Rasoul. Un prophète, Nabi, Anbiya, des prophètes. Ce n'est pas tout prophète qui était forcément messager. Par contre, tout messager est prophète. Tout messager est prophète. Idris, il est dit qu'il était prophète. Est-ce qu'il était avant Nuh ou bien il est venu après Nuh? Wallahu a'lam. Lakin takallama al-ulama wa katabu fi hadhihi al-mas'ala. Ça, c'est une autre question qu'on pourra traiter une autre fois. Al-Muhim, le premier messager, les savants, beaucoup de savants s'accordent pour dire que le premier messager, c'est Nuh, alayhi salam. Et qu'entre Nuh et Adam, il y avait 10 siècles. Sauf qu'on a un élément important dans ces 10 siècles. Abdallah ibn Abbas, il donne un élément très important. Il dit que, Baina Adam wa Nuh, il y avait 10 siècles. Et pendant ces 10 siècles, les gens étaient musulmans. C'est-à-dire, il dit Alal Islam. Lorsqu'on dit musulman, Alal Islam d'une manière générale, tous les prophètes et les messagers, ils ont appelé à l'islam d'une manière générale. Puisqu'il y a Al-Islam Al-Am ou Al-Islam Al-Khas. Il y a l'islam général, c'est la prédication et l'appel de tous les prophètes et les messagers. Puisque le terme islam, c'est soumission à un créateur unique. Il y a l'islam Al-Khas, particulière, connu, dont les partisans sont la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et donc à l'époque, cet élément Abdallah ibn Abbas nous donne un élément très important. Il nous dit que pendant 10 siècles, les 10 premiers siècles de l'humanité, c'est ça qui est très important, il dit que les gens étaient sous la soumission de leur créateur, al-Islam, bima'ana al-Tawhid. Ils croyaient en l'unicité de leur créateur. Pourquoi je dis que c'est un élément très important? Et vous pouvez vous référer fi kutub at-tafasir, vous allez retrouver le athar de Abdallah ibn Abbas, qui dit qu'il y avait 10 siècles entre Adam et Nuh. Et le prophète, en somme, fait hadithin, le prophète dans un hadith, il a été interrogé au sujet du père de l'humanité, au sujet de Adam. Hal kana nabi? Lana Adam wa Ab al-Bashar. Adam, c'est le père de l'humanité. Sur ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Lakin, hal huwa kana nabi? Mais est-ce qu'en même temps, lui-même, il était prophète? Donc, il est dit dans un récit que des compagnons ont interrogé le prophète sallam, en demandant, est-ce que Adam, bien sûr, c'est le père de l'humanité, lakin hal huwa kana nabi? Est-ce que c'était un prophète? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na'am. Et le prophète a dit oui. A dit oui. Et donc, Adam, alayhi salam, était prophète. Et donc, il a appelé les gens à l'adoration du Créateur, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pourquoi je vous ai dit cet élément est très important du athar de Abdallah ibn Mas'ud? Parce que ça répond à une question très importante. Est-ce que l'origine de l'homme, c'est shirk? Ou bien l'origine de l'homme, c'est qu'ils étaient sur Tawhid? Ça, c'est une grande question. Est-ce que la base, les premiers êtres humains qui ont vécu sur Terre, sur cette planète, est-ce qu'ils étaient muwahhidoun? Ils adoraient un créateur unique, Allah Azza wa Jal, ou bien, dès le départ, les êtres humains, ils étaient polythéistes. Ou bien, ils étaient monothéistes. Les premiers hommes qui ont vécu sur Terre, kanu ala al-tawhid, ou ala al-islam. Ils adoraient leur créateur unique. Il est rapporté, c'est après 10 siècles. Donc, pendant 10 siècles, ashrata qurun, an-nas kanu ala ibadatillah. Ala ibadati ilahin wahid. Ala ibadati khaliqihim. Mais après 10 siècles, intashar a commencé à apparaître, au dhahar, à apparaître des formes de polythéisme, de shirk. Alors Allah Azzawajal a envoyé le premier messager. Et donc, pour résumer, du premier messager Nuh alayhi salam jusqu'au dernier, Khatam al-Nabiyyin, ils ont appelé à quoi ? À l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le premier pilier de l'islam, la première chose qu'on doit apprendre, c'est kalimatu la ilaha illallah. Ma'na la ilaha illallah. Shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Et c'est pour cela qu'il est dit, qala al-ulama, awwalu wajib la ilaha illallah wa akhiru wajib la ilaha illallah. Idha arada al-insan an ya'taniqa din al-islam, fatuliba min an yashhada bi an la ilaha illallah. وَإِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا طُلِبَ مِنْ أَنْ تَكُنْ آخِرُ الْكَلِمَةِ الَّتِي نَطَقَ بِهَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَنْ تَكُنْ هِيَا كَلِمَةُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ. C'est pour ça que des savants ont dit أول واجب التوحيد وآخر واجب التوحيد. La première obligation c'est l'unicité, la dernière obligation c'est l'unicité. C'est-à-dire que la première obligation c'est la parole لَا إِلَهِ اللَّهِ et la dernière obligation c'est la parole لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ. Pourquoi ? Parce qu'avec cette parole, on embrasse et on rentre dans l'islam, et il nous est demandé de sortir de cette vie d'ici-bas, de la quitter, cette vie d'ici-bas, avec cette parole, La ilaha illallah. Qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que pour le musulman, son début et sa fin est bâti toute sa vie. C'est sur l'application de La ilaha illallah. Toute sa vie. Il commence sa profession de foi bila ilaha illallah. Et le prophète dit dans un hadith, man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont sa dernière parole sera la ilaha illallah, il rentre au paradis. Donc on voit que le croyant, son but c'est quoi ? C'est que sa vie soit vouée à l'adoration de son créateur. Wa ma khalaqatu al-jinna wal insa illa liya'budun. Et Allah nous a créés pour cela. Et c'est pour cela que les Anbiya, dans beaucoup d'invocations, ils demandaient à Allah Azzawajal de les faire mourir musulmans, c'est-à-dire en tant qu'adorateurs d'Allah Azzawajal, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawaffana muslimin. Ils demandaient. Wa hadha du'a al-Anbiya. C'est l'invocation de prophètes. Fama balukum fina. Quel est notre cas à nous ? Si des prophètes messagers. Vous imaginez un prophète. Un prophète est envoyé par Allah Azza wa Jalla. Donc Allah l'envoie. Et Allah lui transmet la révélation par le biais intermédiaire de l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam. Donc le prophète a makana. Il a un rang auprès d'Allah Azza wa Jalla. Pourtant, il invoque Allah Azza wa Jalla de le faire mourir croyant, musulman, soumis à son créateur. Ça, c'est le cas des prophètes. C'est le cas de Ibrahim alayhi salam. Le cas de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté que le prophète sallam, l'invocation qu'il multipliait le plus, ya muqallib al-qulub thabbit qulub ala dinik ou thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui détournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le cœur peut être détourné de la religion. Et vous voyez qu'il y a des gens qui ont une période, pendant de longues années, ils ont adoré Allah Azza wa Jal, et à la fin, inhalif. À la fin, ils commencent à délaisser la voie. Et personne n'est à l'abri. La ahad yaslam. personne n'est à l'abri. C'est pour ça qu'il faut jamais penser que c'est gagné. La personne dit, j'ai passé le tiers de ma vie. Et d'autres vont dire, j'ai passé toute ma vie, à la mosquée, à la prière. Certains, par exemple, toute leur vie, salat ma'al jama'a, à la mosquée, dans le premier rang, il a fait toute sa vie, il a prié. Il a fait le bien et les œuvres des gens du paradis. Mais il ne faut pas qu'il pense que c'est gagné. Tant qu'il n'a pas quitté cette vie, c'est pas gagné. Il y a des gens qui ont fait du mal toute leur vie. Ils étaient dans leur désobéissance du Créateur toute leur vie. Et au dernier moment, lui croit que c'est... Et les gens qui sont autour de lui pensent que c'est fini pour lui. Et lui, à la fin, il est guidé. Et c'est lui que toute sa vie, il était guidé. Lui, à la fin, il est égaré. Tout ça, c'est lié à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lié à la sagesse d'Allah. Et c'est pour ça que le prophète illustre cela. C'est le prophète qui nous enseigne cela. Qui dit qu'il y a des gens ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakun baynahu wa baynaha illa zira' fayasbiqu al-kitab. Le prophète dit qu'il y a des gens qui vont œuvrer avec les œuvres des gens du paradis. Jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis, une traduction relative, qu'une coudée. فَيَسْبِقُوا الْكِتَابِ فَيَعْمَلُوا عَمَلًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُوهَا. Et il va œuvrer, agir avec les œuvres des gens de l'enfer, et il sera précipité. Traduction relative du sens du hadith. Et à l'inverse. مَنْ يَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى. Des gens qui vont œuvrer avec les œuvres des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer, il la verra. فَيَسْبِقُوا الْكِتَابِ. Et là ensuite il est précédé par le livre, ce qui est inscrit, Al-Qadr, le décret d'Allah Azza wa Jal, et il va œuvrer avec les œuvres des gens du paradis, et il rentrera au paradis. Et ça, ça nous apprend quoi? Un grand savant disait, fi sharh hadha al-hadith, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahmatullah alayh, il disait, sharh de ce hadith, peut-être, c'est lié à l'attention. Si la personne n'a pas été sincère, un jour ou l'autre, ça apparaîtra. Nassallaha salamata wa l'afiyya. Wa lidhalik nassallaha jalla wa ala an yaja'alana min al-mukhlisin. Min ahli l'ikhlas. Allahumma razuqna al-ikhlasa fil qawli wa l'amal. C'est le plus important. Wa l'ikhlas, où est-ce qu'on l'apprend? Fi kutub al-tawhid. D'abord dans le Coran, bien sûr. Lakin, kama qala ibn al-qayyim, kul al-Qur'an tawhid. Dans tout le Coran, il y a du tawhid. Allah nous rappelle son unicité. Son unicité. Et ça, c'est très important. Et pour que notre cœur soit attaché à notre Créateur, comment va s'intensifier Ibadat al-Qulub, les adorations du cœur? C'est avec l'apprentissage du Tawhid, comme al-Tawakkul. Kef al-insan yastatea an yasil ila haqq al-Tawakkul. Comment la personne peut arriver au vrai tawakkul? C'est bidaras tawhid, avec l'étude du tawhid. On a besoin d'avoir un fort tawakkul. Wa tawakkul min ibadati al-qulub wal inaba wal rahaba wal raghba wal khawf wal khushu' wal raja. Hadi min ibadati al-qulub wa la takun illa lillahi azza wa jal. Et ces adorations là ne doivent être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Idan nabda fi hadha al-kitab. Vous allez voir que kitab al-tajrid al-tawhid al-mufid, on va apprendre l'unicité, surtout on va parler de l'unicité de la Seigneurie, bien sûr, il y aura allusion à l'unicité de la Seigneurie, de l'adoration, le esma wa sifat, mais surtout le domaine de l'adoration. Vous allez voir, le livre est très très pertinent pour vraiment connaître le domaine de l'adoration. Wa nahnu khuliqna li'ibadatillahi azza wa jal. Wa kama qulna, wa kama قال العلماء العلماء قالوا أنه لا نقول يجب لكن يتعين ويستحب ويطلب من المسلمين في مساجد الله في المساجد في العالم أن يتدارسوا ويتذاكروا كتاب الله عز وجل في بيوت الله وخاصة نحن اشتغلنا بالدنيا من صباح إلى المساء. نحن مشتغلين بالدنيا من صلاة الفجر إلى المساء إلى غروب الشمس. فقال العلماء فيمكننا وطلب منا أن نعطي شيئا للآخرة، شيئا من وقتنا للآخرة، مثلا بين المغرب والعشاء كل يوم. الإنسان يذكر نفسه ويتذاكر، ما إخواني نتذاكر ونتعاون على فهم كتاب الله وفهم السنة النبوية. إذن نبدأ التوحيد. ما هو التوحيد؟ ما معنى التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وهذا يحفظ. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وترك عبادة ما سواه. Donc le tawhid c'est quoi? Les savants l'ont défini en disant que le tawhid c'est croire en l'unicité d'Allah dans l'adoration. Affirmer l'unicité d'Allah dans l'adoration. Certains utilisent le terme, comme on l'avait relaté hier, plus simple, unifier Allah dans l'adoration. Wallahu a'lam. وَتَرْكِ عِبَادَةِ مَا سِوَى. Et délaisser toute adoration vouée à autre que lui, à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Cela, قال العلماء, لما بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث في مكة 30 أو 13 سنة بعد البعثة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك قبل أن تفرض صلاة وزكاة والصيام والحج وبقية شرائع الإسلام وكل هذه المدة في مكة يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى توحيد الله جل وعلا بينما فرضت الصلاة قبل الهجرة بيسير ليلة المعراج. Et comme on l'avait relaté hier, on a vu que la prière prescrite, les cinq prières comme on les prie quotidiennes, elles ont été prescrites un peu avant l'émigration du prophète. Et le prophète est resté 13 années, on a dit, à la Mecque. Pour ça, les savants disent, toutes ces années-là, le prophète sallam kana yad'u qawmah ila tawhidillahi azza wa jal. Et la preuve que kalimatu la ilaha illallah, c'est kalimatu tawhid, c'est la parole de l'unicité d'Allah, la preuve, c'est que les Quraysh, la tribu du prophète sallam, ceux qui étaient adversaires et antagonistes du prophète, ils disaient à chaque fois au prophète sallam, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la dunya que tu veux? On te donnera tout. Ils ont tout proposé au prophète sallam. Tu veux le soleil, on va te le donner. La lune, on va te la donner. On va tout te donner. Les biens, de l'or, l'argent, ils lui ont tout proposé. Le prophète sallam leur disait, je veux juste une parole. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Le prophète a dit, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Et ça, il faut le méditer. Qu'est-ce que le prophète sallam voulait? Deux. Il voulait juste qu'ils disent la ilaha illallah. Ça, faut le méditer. Le prophète aurait pu leur dire Hujju, faites le pèlerinage. D'abord. Donnez la zakat. D'abord. Il aurait pu demander des choses. Le prophète leur a dit Qulu la ilaha illallah tuflihu. C'est ce qu'il leur a demandé. Dites la ilaha illallah tuflihu. Donc on voit que la base du message du prophète est basé sur cette parole, kalimatu la ilaha illallah. C'est pour ça que c'est le premier pilier de l'islam. Si on veut l'authenticité, la validité de notre prière qu'on pratique à la mosquée, il faut la compréhension de la ilaha illallah. Il faut la compréhension et l'application de la parole la ilaha illallah. Wa ad-dalilu ala hadha. Et ce qui rajoute cela, regardez, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, le prophète sallam, il a envoyé un compagnon pour appeler des gens d'une certaine contrée à l'islam. Et dans ce récit, cette célèbre histoire, c'est le célèbre récit lorsque le prophète a envoyé Mu'ad ibn Jabal, il est à Yémen. Donc le prophète sallam, il est rapporté qu'il envoya Mu'ad ibn Jabal, ce célèbre compagnon. Et Mu'ad ibn Jabal avait été surnommé le compagnon A'alam al-Sahaba bil halal wal haram. Mu'ad ibn Jabal. Chaque compagnon avait ses qualités, ses spécificités. Par exemple, on avait Abu Darda. Abu Darda était connu pour ses sagesses, son grand savoir et ses sagesses. Il était nommé Hakim ou Hadihi l'Umma. Et on a, par exemple, Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal était connu A'lam al-Nas bil halal wal haram. Le prophète ba'athahu ila al-Yaman, comme il est dit dans le hadith. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, on qila, annahu sallallahu alayhi wa sallam, ba'atha Mu'adan ila al-Yaman. A'tahu al-khutta. التي يسير عليها في دعوته. Le prophète, lorsqu'il va envoyer le compagnon Mu'ad, son compagnon, vous avez dans un hadith, il a dit, « Ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah. Inni la uhibbuk. » Vous avez dans un récit, le prophète aimait Mu'ad. Un jour, il lui a dit, « Oh Mu'ad, certes, je t'aime. » Les savants ont déduit de ce récit, donc il est une sunna. Lorsqu'un croyant aime un autre, lui dit, Inni la uhibbuk, et de faire montrer son amour pour les autres. Et le prophète nous a même enseigné la réponse à dire lorsqu'une personne te dit certes inni la uhibbuk, tu dis ahabbak Allah kama ahbabtani fi, qu'Allah t'aime comme tu m'as aimé en lui. Et on voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné tout le bien et comment les êtres peuvent s'unir. Le prophète nous a enseigné al mahabba ou l'ishtima, ou l'itilaf. Le prophète, vous avez vu, nous a enseigné comment les hommes peuvent être unis, comment s'aimer, comment s'apprécier. Le prophète ne nous a pas enseigné à s'haïr, à se détester les uns les autres. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris à nous aimer. C'est pour ça que même Allah, azza wa jal, nous rappelle son bienfait dans le Coran. Lorsqu'Allah nous dit que parmi ses bienfaits, donc il nous a octroyé lorsqu'il dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah nous rappelle son bienfait lorsqu'il nous dit et accrochez-vous bien tous ensemble au câble d'Allah. وَلَا تَفَرَّقُوا, c'est interdit, et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous mon bienfait alors que vous aviez les cœurs désunis, Allah. Ou plutôt, et rappelez-vous mon bienfait, Allah dit, alors que vous étiez ennemis les uns des autres, Allah a réconcilié vos cœurs. فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِكُمْ بَيْنَا قُلُوبِكُمْ. Et ça, ça fait partie des bienfaits de cette religion. L'union des cœurs. Donc le prophète en somme nous a appris cela. Le fait d'être unis, le fait de s'aimer, le fait de s'apprécier, le fait de s'entraider, le fait d'être en l'aide des autres. Anna ta'awan. Wallahu fi auni al-abd, madame al-abd fi auni akhi. Et Allah est dans l'aide de son serviteur tant que celui-ci est dans l'aide de son frère. Et ça, c'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon, inni la uhibbuk. Certes, je t'aime, il dit ça à son compagnon. Mu'ad ibn Jabal. Et le prophète donc envoya Mu'ad dans cette contrée qu'on appelait Al-Yémen. Al-Yémen. Et lui dit, إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ. وفي رواية لهذا الحديث قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Le prophète dit donc à Mu'ad, certes, tu vas aller vers un peuple des gens du livre, la première chose à laquelle tu les appelles, soit la parole « La ilaha illallah ». Et dans ce hadith-là, dans cette riwaya-là, qui est rapportée dans le Bukhari, « Ila ibadatillah » à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Idan. Donc pour terminer. « Alladhi yurid an yakun da'iyan ila Allahi azza wa jal. Yabda bima » أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بما يشاء هو. لو كنت أنت تريد أن تدعو الناس إلى الإسلام بماذا تبدأ؟ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أو تبدأ بما جاء في رأسك أو ذهنك. من أراد أن يتبع وأن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يبدأ في دعوته إلى دعوة إلى عبادة الله عز وجل، إلى توحيد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقدم ويذهب ويأتي إلى قوم وهم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما بعثه إلى اليمن هل خيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيره بمعنى أعطاه الخيار الاختيار؟ لا، معاذ كان ملزم بأن يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله، إلى كلمة لا إله إلا الله. فالذي يكون داعيا، وإذا قلت أنا في كلمتي داعيا بمعنى كل أحد يدعو إلى الإسلام، الأب الوالد في بيتي وهو السيد البيت، الأب الوالد في بيتي يدعو أفراد البيت أبناءه وبناته والزوجة، وداعي إلى الله داعي إلى الإسلام يدعو أبناءه إلى الإسلام، يدعو زوجته إلى الإسلام وبناته إلى الإسلام، بماذا يبدأ؟ أيوة بالتوحيد. أحسنت، أحسن الله إليك، تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة اهتي محمد وساته والفضل. Pour terminer, il y a une histoire à l'époque qui est rapportée à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Avec une réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était immense. Et tout musulman qui va réfléchir sur la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il verra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu aux gens pour les biens de cette vie d'ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé aux gens de remerciements, n'a pas demandé aux gens d'intérêt mondain. Regardez, Avant la mort de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, vers la fin, un homme est apparu. Un homme est apparu. Cet homme s'appelait Musaylama. Et lui, il da'a an-nubuwa. il a commencé à prétendre qu'il était prophète. Il s'est pris pour un prophète. Alors, il envoya un message au prophète, sallam, lui disant que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné aussi à lui la prophétie. Alors qu'il fallait que lui et le prophète sallam, se partagent la terre en deux. Qu'il se partage la terre en deux, une partie pour lui, une partie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Puisque lui se prétendit aussi prophète. Lorsque vous observez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est admirable. Ajib. On peut se dire, mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre ? Pourquoi ? Parce qu'imaginez-vous, c'est vers la fin. Imaginez-vous toutes les peines, les difficultés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin du message. Avant que intashara al-islam fi jazirat al-arab, avant que l'islam se propage dans la péninsule arabique. Regardez tout ce qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la période mécoise, à la Mecque, comme préjudice. Le prophète a été exclu, sorti de la Mecque. Il a eu 3 ans de blocus. Il a été insulté, il a été injurié. Ils ont essayé d'attenter à la vie du prophète. Tout ce que le prophète ensemble a vécu comme préjudice, comme tort, comme épreuve, difficulté. Hatta hajara ila al-Madina. Jusqu'à ce qu'il était obligé d'émigrer à Médine. Et sans compter les afflictions et les difficultés qu'il a subies lorsqu'il est parti à Taïf pour chercher la protection de gens qui puissent croire en lui. Ils ont jeté des pierres au prophète, tout ce qu'il a vécu. Jusqu'à ce qu'il arrive à Bard al-Hijrati et là, Al-Madina. Et que Al-Ansar ont accueilli le prophète. Et tout ce qu'il a vécu, fi Badr, wa Uhud, wa Hunayn, tout ça, vous avez vu tout ce qu'il a vécu ? Un homme à la fin arrive et lui dit on se partage la terre en deux. Il arrive à la fin et il dit on va se partager la terre en deux, j'ai la révélation, je suis moi aussi prophète, tu prendras une partie de la terre et puis moi l'autre moitié. Regardez ce que va lui répondre le prophète après tout ce qu'il a vécu. Lorsqu'on lit la réponse du prophète, ça c'est la réponse d'un homme qui a reçu la prophétie, d'un vrai prophète, du messager d'Allah. Regardez ce qu'il va dire. Il va faire référence à une parole d'Allah Azzawajal. Il va citer la parole d'Allah. Lorsqu'Allah dans un verset dit « Inna l'arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin » Il a répondu cela. En lui disant, dans la missive, le prophète soit dit Min Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ila Musaylamat al-Kadhab. Et depuis, il a été surnommé Musaylamat al-Kadhab, le menteur. Aujourd'hui, regardez, cet homme-là s'est dit prophète. Il a prétendu la prophétie. Qui est-ce qui le connaît ? Si ce n'est Talabat al-Ilm, ou al-Ulama, ou al-Muta'allimin. Sinon, le reste, Ammat al-Nas, la majorité ne le connaissent pas, Musaylamat al-Kadhab. Si on ne parle pas de lui, Al-Nas, ils ne le connaissent pas. La ya'arifuna Musaylamat al-Kadhab. Regardez, le prophète n'a pas polémiqué, n'a pas débattu. Il lui a dit, la terre appartient à Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadi. Wal aqibatu lil muttaqin. La terre appartient à Allah. Il l'a fait hériter à qui il veut parmi ses serviteurs. Et la finalité appartient aux pieux. Subhanallah. Et vous savez, à la base, ce verset-là était descendu pour Moussa, alayhi salam. Pour le prophète Moussa, alayhi salam. Lorsque Moussa a subi tous les préjudices avec Pharaon et son peuple, toutes les difficultés, alors Allah Azza wa Jal nous a révélé ce verset dans Sourate Al-A'raf. Dans Sourate Al-A'raf, lorsqu'il dit « Ista'inu billahi wasbiru » إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Et là, Moussa dit à son peuple, cherchez l'aide. Vous avez vu, avec toutes les difficultés qu'ils ont subies avec Pharaon, Moussa, le prophète Moussa, Moïse, alayhi salam, que la paix soit sur lui, dit à son peuple, إِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا Cherchez l'aide auprès d'Allah et patientez. Certes, la terre appartient au Créateur, Allah, il l'a fait à hériter à qui il veut, وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Vous avez vu, la réponse, et le prophète donc a fait allusion à la parole de Moussa, révélée dans le Coran. En titre de réponse, la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses. Yurithuha man yasha'u min ibadi. Et la finalité, l'iman, wala aqibatu lil muttaqin. Wala aqibatu lil muttaqin. Pour terminer, il y a un autre verset aussi, dans le Coran, un très beau verset, comme tous les versets, à méditer. Ce verset-là, au départ, la compréhension du verset, ça posait un problème aux compagnons. Ça leur a fait peur. Et à l'écoute de ce verset, ça peut faire peur à tout croyant. L'écoute de ce verset. Dans un verset, Allah, Jalla wa Ala, dit الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Dans ce verset, c'est vrai qu'il y a première partie, lorsqu'on le lit, les compagnons ont eu peur. Et tout croyant à la lecture du verset, il va avoir peur. Mais ensuite, il y a une consolation à la fin du verset. Allah nous console. Et nous enseigne, nous annonce une immense nouvelle, une bonne nouvelle pour tout croyant. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Allah nous dit, ceux qui ont cru et qui n'ont pas revêti leur foi d'injustice. Une traduction littérale du verset. Alors là, les compagnons ont dit au messager d'Allah, Ya Rasulallah, qui est-ce qui n'a jamais tombé dans l'injustice? Allah dit, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas revêti leur foi, elle n'a pas été revêtie d'injustice, à eux la sécurité, ils sont les bien guidés. Allah dit. Alors les compagnons ont eu peur. On dit, Ya Rasulallah, mais qui est-ce qui peut être à l'abri de n'avoir jamais commis d'injustice? De n'avoir jamais commis d'injustice. Pourquoi? Parce que dans le verset, Allah dit, celui qui a cru en lui et que il n'a jamais, sa foi n'a jamais été revêtie, entachée d'une injustice, alors il aura la sécurité et sera bien guidé. On comprend quoi? Qu'à l'inverse, celui dont sa foi a été revêtie et touchée par l'injustice, il ne connaîtra pas la sécurité et pourra la guider. Donc ce verset attire notre attention, comme ça attirait l'attention des compagnons. Donc les compagnons ont eu peur, ont dit, oh messager d'Allah, mais qui est-ce d'entre nous qui n'est pas touché par l'injustice? Et là, le prophète sallam dit, ce n'est pas l'injustice dont vous pensez. Regardez, pour ça, l'interprétation, le tafsir du Coran, la compréhension du Coran, dans la langue arabe, littéralement, al-zulm, c'est l'injustice. Donc, on comprend que tous ceux qui ont commis de la justice, leur foi a été entachée, touchée par de l'injustice, ils ont fait de l'injustice, ils ne connaîtront pas la sécurité et ils ne seront pas guidés. Ça, c'est littéralement, si on regarde l'apparence du verset. Mais le prophète a dit aux compagnons, ce n'est pas l'injustice que vous pensez. Mais l'injustice qu'Allah cite dans le verset, c'est le shirk. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas revêti littéralement leur foi de shirk, c'est-à-dire, elle n'a pas été entachée par une quelconque forme de polythéisme, de shirk, ils seront bien guidés et en sécurité. L'iman, li ahli tawhid. Li ahli tawhid illahi, azza wa jal. Naktafi bihada, wa nuwasil al-kalam bihawlillahi jalla wa ala, inshallah, fi yawmi ghad. إن شاء الله والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بارك